Elle n'est pas seulement la première femme à faire de l'informatique de l'histoire, elle est la pionnière, la première personne à publier de toute pièce un programme, la fameuse Node-G, le premier algorithme informatique de l'histoire des sciences. Cette femme, c'est Ada Lovelace, fille du poète Byron, éprise de mathématiques, esprit libre et pourtant si contraint dans l'Angleterre victorienne du 19e siècle. Ses travaux récupérés, oubliés, seront redécouverts tardivement au 20e siècle, notamment par Alan Turing, qui s'en inspirera pour construire sa machine, le tout premier ordinateur. Ada Lovelace, la grande ordinatrice, c'est le programme informatique qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Pour parler de l'histoire d'Ada Lovelace, de ses apports scientifiques et de sa spoliation, évidemment, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Catherine Dufour. Bonjour. Bonjour. Écrivaine, ingénieure en informatique, autrice de Ada Lovelace ou La beauté des nombres, c'est aux éditions Fayard. Et Isabelle Collet, bonjour. Bonjour. Ex-informaticienne, professeure en sciences de l'éducation à l'Université de Genève, membre du conseil d'administration de la fondation Famat Numérique et autrice de Les oubliés du numérique, qui est publié aujourd'hui aux éditions du Passeur. Mais avant cela, une autre femme forte de la science, c'est Natacha Triou pour le Journal des Sciences. Bonjour. Mais oui, bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Allez, on commence ce journal avec une étude parue dans Nature. Au Brésil, la descendance de moustiques OGM se révèle plus résistante. Et cela fait quelques années que l'entreprise britannique Oxitec fait des essais un peu partout dans le monde avec des lâchers de moustiques OGM. Le but n'est pas de les éradiquer, mais de limiter leur population. Les chercheurs de l'université de Yale ont suivi l'expérience menée au Brésil. En tout, 450 000 mâles transgéniques ont été relâchés pendant 27 mois. Ils ont été génétiquement modifiés pour que leur descendance ne puisse pas survivre sans tétracycline, un antibiotique. Sauf que, même sans tétracycline, les larves ont un taux de survie de 3 à 5% et qu'une fois devenues adultes, ces moustiques OGM se reproduisent avec les locaux. Après avoir génotypé différentes populations sur plusieurs mois, les chercheurs constatent que des portions du génome de la souche transgénique ont été incorporées à la population cible. L'étude suggère que cette descendance hybride serait plus robuste que l'ancienne génération. Christophe Boit est entomologiste à l'IRD au sein de l'Institut des sciences de l'évolution de Montpellier. Ils ont cherché des SNPs, c'est-à-dire des éléments extrêmement variables du génome, et ils ont vu en fait que, au bout d'un certain temps, il y avait des éléments variables du génome des moustiques génétiquement modifiés introduits dans la population au Brésil, qui étaient présents dans la population sauvage. Alors que si la méthode marchait à 100%, ces éléments génétiques ne devraient jamais être présents finalement dans les populations naturelles. Les auteurs ont parlé de vigueur hybride et en fait, bon, c'est assez spéculatif, mais l'idée est que en fait, ils ont en ayant introduit cette souche qui provient de croisements de souches de Cuba et de souches du Mexique, on augmente finalement la variabilité génétique dans la population brésilienne cible. Donc finalement, on pourrait, en augmentant cette variabilité génétique, ils ont voulu signaler qu'on pouvait avoir cette vigueur augmentée chez les hybrides. Voilà, il mentionne un risque d'augmenter la variabilité génétique de la population. Ça, c'est assez logique. Et le fait de dire que ça pourrait être un danger si on amenait comme ça des gènes de résistance aux insecticides dans les populations cibles, c'est pas quelque chose qui est dénué de sens, quoi. Et en plus, il montre aussi que ces moustiques-là, nouvellement modifiés, finalement, pourraient transmettre la dengue tout comme les autres. Donc, enfin, ce qui était attendu aussi. Et on passe au bref du jour. Selon un rapport publié hier par Santé publique France, les 17-25 ans consomment moins de drogue. La consommation d'alcool, de tabac et de cannabis continue de baisser en France et en Europe. C'est ce qu'on observe déjà depuis 10 ans. Selon les enquêtes de l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies, en 2017, 11,7% des adolescents déclarent n'avoir jamais bu. En 2008, ils étaient 5,1%. L'alcool continue d'être associé à l'idée de fête. En revanche, le tabac souffre d'une plus mauvaise presse auprès des 17-25 ans. Une équipe australienne vient d'identifier le plus vieux fossile de bactéries daté de 3,5 milliards d'années. C'est une découverte qui a été faite dans la région de Pilbara, en Australie, là où se trouvent les roches les plus anciennes de notre planète. Après avoir fait des carottages en profondeur, les échantillons ont révélé des stromatolites. Les stromatolites, ce sont des structures rocheuses laminaires qui peuvent être générées par une activité microbienne. Après une batterie d'examens, microscopie électronique à haute puissance, spectroscopie, analyse isotopique, ces stromatolites présentent bel et bien de la matière organique. De plus, ils sont en grande partie constitués de pyrite, un minerai que les bactéries produisent. C'est donc la plus ancienne preuve de vie sur Terre. Les détails sont à lire dans la revue Géologie. Et enfin, le radiotélescope chinois FAST s'apprête à ouvrir ses portes aux chercheurs du monde entier. FAST, c'est le plus grand radiotélescope du monde avec une antenne parabolique de 500 mètres de diamètre. Il est aussi grand que 30 terrains de foot. Depuis son inauguration en 2016, il était encore en phase de test et réservé aux astronomes chinois. Il s'ouvrira donc à la communauté internationale dès le mois d'octobre. Pour détecter les rafales radio, les pulsars, les ondes polarisées, il a une sensibilité supérieure aux autres télescopes. Il reste encore à savoir comment stocker et traiter les énormes quantités de données qu'il va produire. Merci beaucoup Natacha, on vous retrouve demain pour le Journal des Sciences, version longue du vendredi, et puis comme tous les jours sur franceculture.fr, ainsi que sur notre fil Twitter, @lamethodefc, où nous postons, eh bien comme chaque jour en direct, des liens vers les études auxquelles il est fait référence dans ce Journal des Sciences. Et à 16h07 sur France Culture, nous parlons donc aujourd'hui d'Ada Lovelace, et bien que la machine de Babbage, ce tout premier ordinateur inspiré d'un métier à tisser automatique, n'ait jamais vu le jour, son élaboration, ses schémas de construction auront permis à Ada Lovelace de rédiger le tout premier programme informatique de l'histoire des sciences et de l'humanité. Alors comment une lady britannique, fille maltraitée de Lord Byron, mère malheureuse à la santé fragile, comment est-elle devenue une sorte de génie précurseur en mathématiques appliquées et de facto la première informaticienne de l'histoire? C'est ce que nous allons tâcher de vous raconter aujourd'hui, et commençant par une sorte de futur antérieur à cette histoire et à la description des tout premiers ordinateurs à la radio. Écoutez, nous sommes en 1958 dans le journal parlé de la radiodiffusion française. Monsieur Girard, c'est vous qui vous occupez plus particulièrement de cette machine qui est là sous nos yeux, que je ne décrirai pas parce que ce serait trop long, mais je crois bien que ce cerveau électronique a une puissance considérable puisqu'on peut lui poser n'importe quelle question et il y répond. D'abord, attention, ce n'est pas un cerveau électronique. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est un ordinateur, plus exactement un ordinateur à disque magnétique. C'est donc la nouvelle terminologie, ordinateur. Voilà, c'est d'ailleurs un mot qui est au dictionnaire. Alors, voudriez-vous me dire ce que cet ordinateur est capable de faire ? Eh bien, tout. Tout. Aussi bien tenir la comptabilité d'une entreprise de distribution, acheminer des avions sur un aérodrome, ou vous dire ce qui s'est passé dans n'importe laquelle des 2000 dernières années. Alors écoutez, nous n'allons pas remonter aussi loin. On va simplement poser une question à l'ordinateur. On va lui demander, que s'est-il passé en 1769 ? Écoutons. Eh bien, la réponse va être facile à lire. C'est M. Plumaille, qui était justement au pupitre, qui va nous la donner. 1769, James Watt invente la machine à vapeur moderne, naissance de Napoléon. Je vous remercie, messieurs. Voilà, on remercie Monsieur Plumaille pour la lecture de cette fiche sortie par l'ordinateur de 1958 à la radiodiffusion française. Ordinateur, pas cerveau électronique. C'est intéressant cet archive parce que on voit bien l'ampleur démesurée des attentes qu'il y a envers ces machines qui commencent à émerger auprès du grand public. Isabelle Collet. Alors oui, c'est-à-dire que on avait envie de penser qu'on était en train de dupliquer le cerveau humain. Et alors, d'ailleurs, le terme ordinateur, son étymologie absolument fascinante. Quand IBM est arrivé avec sa machine, il lui fallait un mot français. Computer, ça passait pas. Et donc, le responsable d'IBM de l'époque s'est tourné vers son ancien prof de lettres en lui demandant comment on pourrait appeler cette machine. Et son ancien prof de lettres, Jacques Perret, la lettre est conservée toujours chez IBM France actuellement, a dit pourquoi pas ordinateur? C'est un mot correctement formé puisqu'il est même dans le littré, et il veut dire « Dieu mettant de l'ordre dans le monde ». Alors, il propose autre chose, il propose un gesteur-digesteur, mais enfin, visiblement, ça plaît moins. Quand on propose à IBM d'appeler sa machine la machine qui, à l'instar de Dieu, met de l'ordre dans le monde, forcément, ça ne peut faire que fantasmer. Catherine Dufour. Oui, moi, cet ordinateur tout puissant, ça me rappelle les vieux films de science-fiction comme Alien ou comme The Thing. Il y a toujours un moment où le héros, échevelé et ruisselant de sueur, se retrouve devant un gros ordinateur énorme et lui pose une question comme « Que va-t-il arriver ?» Et là, l'ordinateur répond « Extinction de toute forme de vie dans les 48 heures. » Ça... C'était vraiment ça. Voilà, j'ai beaucoup... Vous ne pouvez pas vous en sortir, mais vous avez toute ma sympathie, comme dirait Ash à Ripley. Alors, nous ne sommes pas... Vous sommes là pour parler d'une autre femme puissante qui n'est pas Hélène Ripley, c'est une vraie femme celle-là, Ada Lovelace. D'ailleurs, on dit effectivement, c'est la première informaticienne. Alors, il y a un peu un trouble autour du féminin, c'est la première informaticienne, c'est la première personne, en fait, de facto, Catherine Dufour, à faire ce qui va devenir de l'informatique. Oui, c'est la première, d'abord, elle a écrit le premier programme informatique au monde, c'est-à-dire un programme avec une boucle d'instruction, et surtout, elle a eu l'intuition de l'informatique. Elle a étudié les mathématiques, elle a rencontré un type assez génial qui s'appelait Babbage, qui lui, c'était un très bon mathématicien, et il était à chaque fois arrêté dans son élan mathématique par l'octopode aquatique poilu de la décimale fautive. En clair, il travaillait avec des tables de multiplication, des tables de logarithmes pleines d'erreurs, parce qu'elles étaient calculées à la main. Donc il s'est dit, il faut vraiment calculer ça à la vapeur, et il a mis au point une énorme machine à calculer. Et Ada Lovelace, en la voyant, s'est dit, mais et si au lieu de ne manier que des chiffres, cette machine maniait, je sais pas, des variables, des concepts, des données? Et donc c'est elle qui a eu l'intuition de ce qui allait devenir l'informatique. C'est donc le premier informaticien, la première informaticienne au monde, 100 ans avant le premier ordinateur. Si on comprend bien, et on y reviendra hein, d'ailleurs sur justement la façon dont elle a été effacée plus ou moins de l'histoire des sciences, la question c'est comment est-elle ressurgie, comment a-t-on redécouvert les travaux d'Ada Lovelace, Isabelle Collet? Pourquoi est-ce que d'un seul coup on a redécouvert cette fameuse Note G qui aurait pu complètement disparaître dans les archives poussiéreuses de la science du 19e siècle? Alors, je dirais que je ne connais pas l'archéologue qui a remis la main sur les travaux d'Ada Lovelace, mais on en retrouve des traces. Par exemple, il y a un langage qui s'est appelé Ada. Il a bien été nommé ainsi parce que quelqu'un s'est bien rendu compte que Ada Lovelace avait fait quelque chose de tout à fait déterminant en informatique. Ce qui est remarquable, en tout cas, c'est que en histoire des sciences, comme dans beaucoup de moments historiques, quand une femme fait une découverte déterminante, on va beaucoup débattre à savoir si, non mais vraiment, est-ce que c'est elle? Est-ce qu'on l'a aidée? Est-ce que vraiment ses compétences en maths étaient réelles? Et il y a qu'à voir la notice Wikipédia sur Ada Lovelace, comment elle a longuement débattu avec des allers-retours sur a-t-elle vraiment, n'a-t-elle vraiment pas, etc. Catherine Dufour? Oui, en fait, Ada Lovelace, elle a publié un article en 1843 dans un journal scientifique de valeur. Alors, même si effectivement... Après, elle est morte et puis Babbage a sombré dans l'amertume et la solitude. Il n'a jamais réussi à construire son supercalculateur. D'abord parce que c'était beaucoup trop compliqué à l'époque. Et ensuite parce qu'il avait un caractère abominable qui l'amenait à se brouiller avec tout le monde et surtout avec les gens dont il avait besoin. Mais son fils, qui avait reconnu son génie, a fabriqué des prototypes de sa machine et les a présentés, là on est en 1890, dans les différentes universités. Ça n'a intéressé personne et on a rangé ces prototypes dans des greniers. Et en 1937, un jeune ingénieur de Harvard nommé Aiken est monté au grenier de Harvard par curiosité et il a vu ces engrenages. Il les a fait descendre dans son bureau et il a repris la littérature scientifique de l'époque, qui n'était pas du tout perdue parce que les scientifiques gardent la littérature scientifique de leurs prédécesseurs. Et il a lu les notes de Babbage et il a lu les notes d'Ada et il a construit le premier ordinateur, Mark One, l'ordinateur qui a servi à calculer le programme Manhattan, c'est-à-dire les bombes sur Hiroshima et Nagasaki. Aiken a construit Mark One autour des engrenages de Babbage et avec les instructions d'Ada. Et d'ailleurs, à son équipe, il lisait les notes d'Ada Lovelace et ils étaient priés d'écouter religieusement. On trouve chez Turing un hommage à l'objection de Lady Lovelace. Ça veut dire qu'Alan Turing a lu aussi ces notes d'Ada Lovelace? Oui, parce qu'on a l'impression qu'Ada Lovelace a été oubliée. Mais dans le milieu des informaticiens, elle n'a jamais été oubliée. Et c'est pour ça que quand le département de justice, en 1978, a décidé de se doter d'un langage un peu cohérent, il a cherché un nom et c'est un informaticien de l'US Navy qui a dit ça va s'appeler Ada parce que Grace Hopper, qui était la programmatrice du premier ordinateur, le Mark One, elle a dit c'est Ada Lovelace qui a écrit la première boucle, aucun informaticien ne l'oubliera jamais. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h15, nous parlons donc d'Ada Lovelace tout au long de cette heure en compagnie d'Isabelle Collet et de Catherine Dufour. On va évidemment remonter à la source. Ada Lovelace est la fille unique, alors en tout cas la seule reconnue, du grand poète Lord Byron, Catherine Dufour. Oui, alors Lord Byron, effectivement, c'était un beau jeune homme du début du 19e siècle. Et puis un jour, il est rentré de voyage avec un poème dans ses bagages. Et alors là, il est devenu phénoménalement célèbre du jour au lendemain. C'était vraiment une célébrité à la Beyoncé. C'est-à-dire qu'il était couvert de fans. Il avait des femmes qui se jetaient sur lui, à ses pieds, dans son lit. Il en a largement usé. Il a couché avec un petit peu la moitié du pays, avec sa demi-sœur, avec pas mal d'hommes aussi. Or, il se trouve qu'à l'époque, coucher avec sa sœur, ça se faisait pas, et être homosexuel, ça se faisait vraiment pas du tout. Donc, il était, on va dire, un peu perdu de réputation, et il avait le risque que la foule l'attrape dans la rue et le barbouille de purin. Une shitstorm à la Twitter, mais au sens propre. Donc, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On fait comme Michael Jackson, et ben, on se marie. Donc, il a épousé une petite jeune fille de très bonne famille, Lady Annabella Milbank, qui était très pieuse et aussi mathématicienne. Il l'appelait la princesse des parallélogrammes. Autant vous dire que le mariage n'a pas tenu, mais je crois qu'il n'a pas tenu une minute en fait. Et au bout d'un an, avec une petite fille dans les bras nommée Ada, Annabella Milbank est rentrée, a sauté dans sa valise et est rentrée chez ses parents. Et elle n'a jamais revu Byron. L'enfance d'Ada Lovelace, c'est une enfance très dure. On dit une enfance noire, même vraiment, ça se passe pas bien du tout, toute seule avec sa maman, Isabelle Collet. Alors, encore, elle avait sa maman, mais sa maman était rarement là. C'est-à-dire, elle l'a beaucoup confiée à des préceptrices. Ce que je trouve extraordinaire dans les raisons pour lesquelles Ada Lovelace a fait des maths, c'est une raison d'ailleurs qu'on pourrait éventuellement proposer aux jeunes filles d'aujourd'hui. C'est-à-dire, comme sa mère avait tellement peur que le vice et les turpitudes dans lesquelles son père se vautrait allaient se transmettre dans sa fille, parce qu'évidemment sa fille allait avoir le génie de son père, mais c'était un package, hein. Elle aurait aussi évidemment son vice, donc il fallait absolument la détourner de la source de tous les vices qui était la poésie romantique. Et pour ça, le mieux, c'est de faire des maths. Donc sa mère elle-même était une femme scientifique et elle a jugé que le mieux pour sauver l'âme de sa fille, c'était de lui faire faire des maths. Alors ça a marché pas mal, hein, vu qu'elle a fugué son prof de maths à 16 ans. Enfin, ça a partiellement marché, quoi. Oui, Catherine Dufour. Oui, en fait, elle a fugué effectivement avec son précepteur à 16 ans. Le précepteur, qui était mort de trouille, l'a renvoyé à sa famille par retour de courrier. Bon, là, elle s'est quand même mariée et après avoir fait quelques enfants, elle a recommencé à s'ennuyer parce qu'à l'époque, les femmes de la haute, elles n'avaient rien à faire, elles avaient le droit de rien faire. Et elle sentait en elle une force bouillonner. Elle a écrit avec un ami de sa mère, le docteur King, en lui disant « qu'est-ce que je fais ?» Il lui a dit « écoutez, faites des maths, c'est quand même le meilleur moyen de ne plus penser au sexe. » Et du coup, elle a fait des maths. C'est intéressant. D'ailleurs, quel est le contexte scientifique, puisque Ada Lovelace naît donc en 1815, Ada de Byron d'ailleurs, mais même si elle prendra ensuite le nom de sa mère, je crois, non ? Non, de son mari. Non, de son mari. Oui, bien sûr, de son mari, le duc de King, futur comte de Lovelace. Mais quel est le contexte, justement, à l'époque, Isabelle Collet, le contexte scientifique et plus généralement mathématique ? Alors, ce que je trouve impressionnant, c'est que, en fait, on constate qu'il y a une assez grande circulation des idées scientifiques. Bon, alors, évidemment, pas aussi vite que si on se les envoyait par Internet, mais quand même, ça circule. Les machines ne sortent jamais de rien. C'est-à-dire, si on essaie de remonter un peu la généalogie des machines, alors, il y a une première époque, au XVIIe siècle, avec, alors, peut-être la toute première, c'est Wilhelm Schickard, qui était un Allemand, qui a fait une machine à calculer, qui faisait des additions, des soustractions. Bon, elle a brûlé. Donc, on a trouvé ses plans. Visiblement, elle devait marcher assez péniblement. Et après l'incendie, il a pas poursuivi. Ensuite, il y a eu Blaise Pascal, qui a fait la Pascaline, qui est, en tout cas, en France, une des machines les plus célèbres, alors qui, elle, marchait très bien. Alors, lui aussi, il voulait aider son père, qui se collait avec des tables de calcul qui étaient erronées, et son père faisait les comptes du royaume. Donc, la Pascaline lui permettait de faire des additions et des soustractions, et par itération, des multiplications ou des divisions, mais elle faisait pas vraiment les quatre opérations. Et puis, Il y a une période de blanc. Et puis ensuite, on se retrouve au 19e siècle. Et là, Babbage arrive avec la machine à différence, qui est donc sa première machine à calculer. Ah oui, il y a aussi la machine de Leibniz, entre-temps, qui faisait de division, de multiplication. Enfin bref, il y avait des machines à calculer. Et Babbage, lui, s'est inspiré en partie de la machine Jacquard, qui finalement était aussi une machine qui fonctionnait, alors on ne peut pas dire un programme, mais qui produisait des choses automatiques. On va y revenir, parce que ce sera l'objet du reportage dans quelques instants. Ce qu'il faut effectivement peut-être comprendre, et ce qui est important à comprendre, c'est qu'à l'époque, pas de machine évidemment, tout ne fonctionne que sur des tables mathématiques qui sont très compliquées, et donc avec des erreurs dans tous les sens. Calculer à la main. Et alors, quand on est, par exemple, l'Empire britannique et qu'on veut explorer le territoire maritime, des cartes erronées avec de nombreuses fautes de calcul, c'est absolument pas satisfaisant. Hein. C'est un peu comme ça que Babbage aussi a vendu, parce qu'il avait besoin d'énormément d'argent. Surtout quand on a un caractère pas facile, hein, comme Mais comme il en a obtenu. Hein. Voilà. Et il en a obtenu. Bon, ce qui est très intéressant aussi, c'est que plus tard, mais je fais un petit bond dans le temps, au 19e, début du 20e siècle, on continue à avoir de gros besoins en calcul. On n'avait pas encore beaucoup d'ordinateurs. Tous ces calculs fastidieux et très lents, les mathématiciens dans les laboratoires, ils n'avaient pas tellement envie de les faire. Ils faisaient plein d'erreurs, ça ne les intéressait pas. On a embauché beaucoup de femmes. Les premières calculatrices, c'était des femmes qui faisaient les calculs à la main. C'est elles qui ont cartographié le ciel, par exemple. Les calculatrices d'Harvard, c'était des femmes qui cartographiaient le ciel à la main. Catherine Dufour. Oui, il y avait des calculateurs éclairs, effectivement, des sortes de machines à calculer humaines. Il faut voir que le 19e siècle, c'est vraiment une terre de contraste. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont extrêmement cultivés. Il y a une explosion de la recherche scientifique. Maintenant, tout est encore très jeune, tout se mélange. On étudie à la fois la physique et l'astrologie, le tout dans un contexte quotidien. Totalement, alors je ne vais pas dire médiéval, mais Ada Lovelace, dans son enfance, il n'y avait pas d'eau, pas de gaz, pas d'électricité, pas de tout à l'égout, pas de train, rien du tout. Elle a écrit son programme à la plume d'oie, à la lumière d'une bougie. C'est ça qui est intéressant de voir. Ce qu'on peut dire aussi avant d'arriver à Babbage, c'est que Ada Lovelace, effectivement de son premier, de son second prénom Augusta, ce qui est assez intéressant, Catherine Dufour. Non, c'est juste pervers. C'est juste un peu horrible. Son premier prénom, c'est Augusta, mais oui, comme Augusta, c'était le nom de la sœur de Byron, avec qui Byron couchait. Autant dire que dès que Byron a levé le pied, le premier prénom d'Ada a disparu dans un ailleurs et n'en est jamais revenu. Certainement pour le mieux. Donc oui, ce qu'on peut rajouter, c'est que sa santé est très fragile très tôt. Oui, alors sa santé est très fragile et je pense que la faute en est exclusivement à la médecine du temps. Alors il faut savoir que déjà les enfants, on les élevait, il fallait pas d'eau, ni pour boire, ni pour se laver, il fallait pas de viande, il fallait pas de fruits, il fallait pas de légumes et il fallait pas d'activité physique. Donc vous repassez cette phrase dans la tête et vous imaginez un enfant en quel état il arrive à 16, 17, 18 ans. Mal. Donc comment on fait à ce moment-là? Eh ben on le saigne abondamment de différentes façons, notamment des sangsues, c'est délicieux. On le purge abondamment avec du calomel qui est quand même un peu à base d'arsenic. On aime bien aussi mettre des métaux lourds, des médicaments et quand ça suffit pas, c'est opium. Alors, vous dites quelque chose que j'aime beaucoup, vous dites allez, comment est-ce qu'on se pose la question comment les Britanniques ont supporté cette société victorienne qui était vraiment très complexe, très tenue. Voilà, vous décrivez, Catherine Dufour, toute la population était droguée jusqu'aux yeux. Tout à fait. Alors on buvait couramment du laudanum, alors vous mélangez de l'alcool avec de l'opium et vous donnez, alors avant 5 jours c'est 3 gouttes, à partir de 5 ans c'est 25 gouttes. Effectivement, tout le monde était totalement sous opium en permanence. Néanmoins, elle a tout de même une santé fragile par ailleurs, Ada Lovelace. Oui, alors elle avait probablement une somatisation de mammouth, elle avait des impressions de crise cardiaque, des impressions de mort imminente, elle a eu une rougeole dont elle est sortie a priori avec une encéphalopathie, donc elle a eu tout le bonheur des gens qui n'ont pas de vaccin. En fait, Et alors arrive donc cette rencontre, peut-être d'ailleurs que son statut de fille de Byron lui permet de rencontrer un certain nombre de personnes, de scientifiques, et dont ce fameux Babbage. Comment ça se passe la rencontre avec Babbage? Alors on disait à l'époque que Ada Lovelace pouvait dépasser par sa naissance les faiblesses d'ordinaire attribuées à son sexe. Donc autrement dit, elle était la fille de Byron avant d'être une femme. C'est ce qui lui a permis d'approcher, d'être dans des cercles scientifiques en compagnie de sa mère. et d'aller à une soirée scientifique où Byron faisait la démonstration de sa machine. Et moi, ce qui m'a frappé quand j'ai lu un certain nombre de lettres que Ada a pu envoyer à Babbage à l'époque et que Babbage pouvait renvoyer à Ada à l'époque, c'est que tous les deux se retrouvaient dans une vision relativement mystique de la machine, alors qui n'était pas bizarre à l'époque, parce qu'il y avait cette idée que Dieu avait écrit le monde en langage mathématique et que finalement, par les mathématiques, on pouvait éventuellement découvrir des mystères de l'univers. Et Ada se présentait comme une muse et Babbage appréciait cette idée. Enfin, il disait que Ada était la seule personne à comprendre la portée mystique de sa machine, au-delà du fait que ce soit une simple calculatrice. Donc là-dessus, ils se sont plutôt bien retrouvés. Comment elle l'a supporté au quotidien, ça je sais pas. Alors ils avaient tous les deux des caractères pas faciles. Maintenant ils avaient besoin l'un de l'autre, donc ils ont essayé vaguement de s'entendre. Ils sont effectivement rencontrés lors d'une soirée donnée par Babbage, tout simplement parce que Babbage, un, il voulait des sous pour construire sa machine. Mm-hmm. Et il en a obtenu d'ailleurs. Il en a obtenu. Il a obtenu 10 fois 1700 livres. C'est une fortune colossale. C'est 2 navires de guerre et le gouvernement, au bout de 10 ans, a dit nous n'avons obtenu pour nos 17 000 livres que les récriminations de Monsieur Babbage. J'ai râlé tout le temps, faut bien le dire. Enfin, à l'époque, quand vous vouliez obtenir des fonds, fallait faire des grandes soirées. Et puis il avait une fille à marier aussi. Fallait faire des grandes soirées où vous invitiez tout le gratin et vous faisiez des démonstrations de votre machine en attendant que quelqu'un de riche sorte son porte-monnaie. Et donc les gens venaient chez Babbage pour savourer ses sorbets qui paraît-il étaient délicieux. Et je pense écouter avec politesse Babbage faire sa démonstration. Et il n'y a guère que Ada qui s'est vraiment intéressée, qui a compris et qui lui a demandé des plans, ce qui a fait extrêmement plaisir à Babbage. Pour une fois, quelqu'un y comprenait quelque chose. Parce que la machine n'a jamais été construite jusqu'au bout, mais en tout cas, effectivement, des plans, il y en a eu des plans successifs, et ces plans étaient inspirés, Isabelle Collet le mentionnait tout à l'heure, par des machines à tisser, les machines à tisser de Jacquard. Bonjour Céline Lozen. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Vous êtes rendu au CNAM, au Conservatoire National des Arts et Métiers, pour voir ces précurseurs des ordinateurs modernes. Oui, pour réaliser sa machine, Babbage s'était largement inspiré du métier à tisser de Jacquard. Alors le métier Jacquard, c'est le tout premier système turbo-mécanique programmable. Une machine qui combinait plusieurs techniques, notamment celle de l'usage des cartes perforées. Et c'est de cette manière qu'il a été possible de programmer des instructions en boucle. Aujourd'hui, on considère cette machine comme l'ancêtre de l'ordinateur. J'ai retrouvé Cédric Mastellari dans la salle des matériaux, qui m'a présenté l'évolution des métiers à tisser jusqu'aux premières machines programmables. L'idée de Babbage, en fait, à un moment donné, lorsqu'il va construire sa machine à différence, c'est de reprendre l'idée du carton perforé. Il s'inspire effectivement du métier Jacquard, qui va utiliser effectivement une série, une chaîne infinie de cartons perforés. À savoir que ce n'est pas l'idée de Jacquard. Hein. Elle est inspirée, en fait, une synthèse de 3 métiers à tisser qui ont été réalisés entre les années 1720 et 1750, pour faire simple. Alors, on a autour de nous ces 3 modèles qui ont permis cette synthèse. Alors, le premier, effectivement, métier à tisser dont va s'inspirer Jacquard, c'est celui que met au point aux entours de 1725 Basile Bouchon, qui va utiliser non pas des cartons perforés, mais une bande de papier fort perforée et qui ne va commander qu'une seule série d'aiguilles. En fait, on a une programmation ligne par ligne, une seule ligne, une seule rangée d'aiguilles, ce qui fait qu'on a une programmation extrêmement faible, tout simplement. 3 ans plus tard, l'idée va être reprise par Philippe Falcon, effectivement. Vous voyez que dans sa forme, les deux maquettes se ressemblent énormément. C'est-à-dire qu'on a effectivement sur le côté latéral du métier à tisser une série de cartons perforés enlacés les uns aux autres. Et donc on voit là que ces cartes perforées constituent une sorte de chaîne, une boucle infinie, puisqu'elles sont reliées par du fil et qu'elles peuvent tourner. Voilà, effectivement, là on a une garniture de cartons. Alors, il peut y en avoir plusieurs centaines, voire plus de 1000 cartons. Et ces bandes de cartons sont lacées entre elles. Ça forme une espèce de chenille de cartons, en fait. Et chacun de ces cartons correspond au passage, en fait, de la navette. Un carton, une navette. Le passage d'un fil. Sachant que chaque carton est perforé, là. Chaque carton. Avec des motifs. Alors, voilà. L'intégralité de ces cartons correspond à l'intégralité du motif, en fait, du tissu. Ce qu'on appelle des tissus façonnés. Ce sont des tissus à motifs et en règle générale avec différents coloris. C'est-à-dire que sur certains de ces cartons, effectivement, on va commander le motif. On commandera aussi le coloris. Le métier Vauconson. Alors là, on a de la chance d'avoir un métier... Qui est assez impressionnant, là. Il fait presque 3 mètres... Oui, voilà, on n'est pas loin de 3 mètres, peut-être même un peu plus, 3 mètres 50 de haut, effectivement. Le principe demeure le même, si ce n'est qu'il y a deux grandes différences. D'une part, l'organe de programmation n'est plus sur le côté latéral. Vous voyez, il est placé au-dessus. Et d'autre part, d'une certaine façon, on revient à l'idée de Basile Bouton. On n'a non plus un ensemble de cartons perforés, mais une bande de papier carton qui est portée par un cylindre de bois. Donc enroulé. Enroulé, voilà, exactement. Qui ressemble à ceux qu'on trouverait dans les orgues de barbarie, en fait. C'est à peu près la même chose. Un trou, je soulève un fil. Un trou, je laisse passer de l'air. Je produis une note. Bon, voilà, on est sur une... code de l'information. En code de l'information, c'est du binaire, voilà, exactement. Le problème, vous voyez que ce rouleau, si on le déroule, il fait quelques dizaines de centimètres. Avec la programmation par carton, on l'a vu tout à l'heure, on a quelque chose... Plusieurs mètres. Voilà, plusieurs mètres. Donc ça, c'était l'énorme défaut de la machine de Vauconson. C'était la faiblesse de la mémoire de programmation. Mais l'idée, effectivement, c'est génial, c'est de faire passer, effectivement, la programmation au-dessus. Alors, comment s'émanciper des obstacles des deux machines présentes pour aboutir à la fois à avoir une grosse capacité et une ingéniosité pour faire du calcul ou exécuter des commandes? L'idée géniale de Jacquard, c'est de ne rien inventer d'une certaine manière, mais de tout synthétiser. C'est un transfert de technologie. Je vais prendre les meilleures idées sur les trois métiers à tisser que nous venons de voir, et il va construire sa propre mécanique. Alors, la mécanique Jacquard, ce n'est pas le métier à tisser. C'est juste l'organe programmateur. Et on s'approche de cette partie métier Jacquard. Voilà. C'est juste, vous voyez, la partie supérieure qui coiffe l'ensemble du métier à tisser. C'est ça, la mécanique Jacquard. On pourrait parler, est-ce qu'il faut parler d'ancêtre d'informatique, de précurseur, tout ça. Dans le principe, en tout cas. Voilà. Dans le principe, c'est que, un, on est sur une programmation binaire, un système binaire. Deux, on est à la recherche de l'automatisation, en fait. Et cette automatisation, elle se fait dans un premier temps par la fabrication de l'ensemble, en fait, des cartons perforés. Comme je vous le disais tout à l'heure, on a une espèce de chenille qui peut tourner à l'infini, constituée de différents cartons, ce qu'on appelle la garniture. Alors, comment c'était fabriqué? Eh bien, on va voir le motif, en fait, du tissu à reproduire. Et ce tissu, en fait, ou les motifs de ce tissu, on va les redessiner sur un papier quadrillé. Et un petit peu comme une espèce de papier millimétré. Et si vous voulez, c'est donc on a un papier quadrillé, donc on a des lignes horizontales et des lignes verticales. Donc trois étapes, le lisage, le perçage et le lassage. Et on obtient notre chaîne en continu. L'avantage de ce système de cartonné par rapport au système Vauconson, on avait une ligne. Donc c'est une progression très faible. Là, on voit, on a au moins deux lignes. On peut en avoir jusqu'à 8, en fait. On peut avoir 8 colonnes. Donc on va multiplier, en fait, la mémoire de programmation, en quelque sorte. On augmente la capacité de calcul, en quelque sorte. Exactement. Alors comment, finalement, ce métier à tisser mécanique, presque automatique, va inspirer les travaux de Charles Babbage pour sa machine à différence? Mais l'analogie, c'est simplement cette possibilité de créer une information, de pouvoir la faire entrer dans la machine et finalement d'avoir une sortie, un résultat. Il est là, effectivement, le lien entre Jacquard et Babbage. Voilà. Transposé au besoin de calcul en masse. Exactement, voilà, au besoin de calcul, en masse. Logarithmique. Voilà, c'est la tentative, effectivement, de programmer, d'automatiser et d'obtenir un résultat final. Voilà un aperçu de ces premiers métiers à tisser, de ces ancêtres, de cette préhistoire de l'ordinateur en quelque sorte. Peut-être une réaction simplement l'une et l'autre à ce que vous venez d'entendre, Isabelle Collet? Alors, difficile de dire que ce soit un ordinateur, parce que, comme disait le reportage, la machine, un piano mécanique, oui, un orgue de barbarie, ça ne se programme pas. Voilà. Mais ce sont des algorithmes malgré tout, d'une certaine manière. Ce sont des algorithmes, mais si vous voulez faire 120 fois un motif, vous passez 120 fois la carte perforée, ou une carte perforée avec 120 fois le motif dessus. Babbage, c'est un véritable saut technologique, on peut dire. Babbage avec le programme Dada, évidemment. Dans quel sens un saut technologique? Eh bien, c'est-à-dire que... si on combine avec la partie logicielle, donc l'invention d'Ada Lovelace, c'est-à-dire que maintenant il suffit plus d'exécuter des données qui rentrent, c'est-à-dire que la machine a des variables et non plus une pile de cartes perforées toutes différentes selon ce qu'on veut exécuter, et puis qu'elle a cette chose géniale qui est une boucle avec branchement conditionnel qui est le fondement de n'importe quel programme informatique. Voilà, c'est-à-dire que globalement, la machine, vous n'êtes pas obligé de passer la carte 120 fois. Vous lui dites, calcule-moi ça 120 fois et elle va le faire. Elle va être capable de mémoriser 120 et de s'arrêter à ce moment-là. C'est ça une boucle. C'est la grande innovation. Ça a l'air simple, hein, tant qu'on l'a trouvé. C'est simple jusqu'à ce que parfois on entende ce bruit. Philippe Catherine, Computer Music à 16h35 sur la méthode scientifique et sur France Culture, puisque nous parlons eh bien des prémices de l'informatique et de la toute première personne que l'on peut qualifier d'informaticienne de l'histoire des sciences, d'Ada Lovelace. Nous en parlons avec Catherine Dufour, écrivaine, ingénieure en informatique et autrice de Ada Lovelace ou La beauté des nombres chez Fayard, et avec Isabelle Collet, informaticienne, ex-informaticienne, professeure en sciences de l'éducation à l'Université de Genève et autrice de Les oubliés du numérique aux éditions du Passeur. Je précise, parce que j'ai oublié de le préciser tout à l'heure, que le reportage que vous avez entendu sur les métiers à tisser Jacquard et la machine de Babbage, vous pouvez le retrouver en version longue, une version que vous pouvez télécharger et écouter sur le site de la méthode scientifique sur franceculture.fr. Alors, on a bien entendu que l'apport d'Ada Lovelace à cette fameuse machine à calculer de Jacquard, c'est un programme. Alors, en fait, pour arriver à ce programme, il faut faire un petit détour, par une présentation de Babbage de sa méthode, de son moteur analytique, comme il l'appelle à Turin. Nous sommes en 1840 et un certain Luigi Menabrea va rédiger une description du fonctionnement de cette machine en français, Catherine Dufour. Oui, exactement, ce jeune Luigi Menabrea qui après deviendra comte, marquis, ministre 20 000 fois et finira mouillé dans le scandale de Panama. Donc il trouve la machine de Babbage tout à fait fascinante. Il en fait une description en français parce qu'à l'époque c'était la langue qui allait bien dans le monde scientifique. Et Babbage dit à Ada Lovelace, voulez-vous traduire s'il vous plaît cet article en anglais? Elle lui dit oui et elle le traduit très exactement mot pour mot en anglais. Et là Babbage lui dit, mais vous n'avez pas rajouté quelques notes. Que n'avait-il pas dit là ? Immédiatement, Ada Lovelace a rédigé un ensemble de notes qui fait à peu près trois fois la taille de l'article original. Il y a la note A, dans laquelle elle, on va dire, à l'inspiration de l'informatique, de la machine de Babbage comme maniant des concepts et des données, et la note G, où elle rédige sur les nombres de Bernoulli, le premier programme informatique au monde. Alors qu'est-ce que c'est justement cette note G? Qu'est-ce que c'est que les nombres de Bernoulli? Il faut nous expliquer un peu comment on arrive d'une annotation, d'une description de la machine de Babbage à finalement bien le premier algorithme de l'histoire écrit, en tout cas le premier algorithme informatique, attention à ce que je vais dire, de l'histoire des sciences. Alors le but de cette machine, il faut s'en souvenir, c'est de recalculer toutes ces tables erronées, en particulier les tables qui servaient à la marine britannique. Pour faire ces calculs, on a besoin de calculer des polynômes et on les calcula à la main. La suite de Bernoulli permet justement de calculer ces polynômes, et donc Ada qui cherchait à faire quelque chose d'utile, et c'est évidemment ça s'y prête bien quand on a une boucle, a décidé de mettre en œuvre, enfin elle pouvait pas le tester, donc elle a choisi un exemple utile, pertinent pour l'époque, un problème mathématique tout à fait intéressant qui était de calculer ces suites de nombres de Bernoulli. Alors évidemment... Alors c'est quoi les suites de nombres de Bernoulli? En quelques mots, Catherine Dufour. Ah ben alors justement, en fait, vous avez posé la question que sont les, pouvez-vous me donner une réponse que sont les nombres de Bernoulli? Ma réponse est non, en fait, je peux pas du tout. C'est un objet mathématique extrêmement fascinant et passionnant, et là tout le monde va s'endormir si je me lance dans les 3 heures d'explication des chiffres de Bernoulli. Donc je vous demande de me faire confiance. Ce sont vraiment des entités importantes en mathématiques. Je suis sûr que Roger Mansuit, qui écoute attentivement l'émission et qui tweet en même temps, pourra nous mettre un lien ou des liens intéressants dans le fil de la méthode scientifique à la méthode FC pour comprendre exactement et pour avoir des informations sur ces fameux chiffres de Bernoulli. Mais reprenons cette note G exactement, Isabelle Collet. Comment est-ce qu'elle l'établit et comment est-ce qu'elle fonctionne? Qu'est-ce qu'elle décrit exactement? Alors, elle décrit des fondements tout à fait importants pour l'informatique d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'elle décrit des variables, c'est-à-dire c'est plus l'idée de rentrer des chiffres inamovibles, mais d'avoir un endroit où on va pouvoir mettre une variable abstraite dans laquelle on pourra lui attribuer des nombres différents. Et puis surtout, elle dit, et on va répéter l'opération continuellement, alors de 13 à 23, c'est les nombres, ou à 21, c'est les nombres qu'elle emploie, c'est-à-dire elle dit bien que la machine va être capable de faire toute seule une itération, et quand elle va arriver au nombre de fins qu'on aura décidé, qui est donc dans la variable, donc c'est ni toujours 13 le début, ni toujours 23 la fin, eh ben on va arrêter et on va lire le résultat. Donc, aucun programme informatique ne saurait se passer de ce type de réflexion, c'est-à-dire une lecture d'un programme qui boucle et puis avec des sauts dans ce programme. C'est-à-dire une fois qu'on arrive à la fin du calcul, on retourne au début du calcul pour refaire une itération. Il y a autre chose, on va revenir évidemment à ce programme et à cette note informatique, à cette note G. Il y a autre chose qu'il faut peut-être aussi avancer dès maintenant, c'est que quelques années avant cela, Ada Lovelace va se marier, elle va épouser le fameux Lord William King, futur comte de Lovelace, Catherine Dufour. Oui, tout à fait. Alors, ça a été, on lui a présenté un monsieur, deux monsieur, trois monsieur, et puis elle a dit oui au quatrième. Lui-même, il y avait un de ses copains qui lui avait dit, oh, elle serait pas mal pour une épouse. Alors, il a réfléchi, il est allé la voir. La cour a duré un mois, et ma foi, elle a accepté sans aucun enthousiasme, mais au moins, elle s'est dit, je vais te débarrasser de ma mère. Et en fait, ça a été un échec cruel. Un epic fail, puisque le mari et la mère se sont merveilleusement entendus pour la frustrer de toutes ses aspirations à la liberté. Oui, vous écrivez que, en clair, Ada a épousé sa mère. Mais pourquoi? Quel est leur rapport et comment est-ce qu'il la frustre, elle, directement, ce Lord William King Lovelace? Eh ben, disons que lui, il est en manque de mère, il s'entend pas avec sa mère, il a perdu sa mère. Enfin, il y a un problème avec sa mère, avec toute sa famille. D'ailleurs, il doit pas être très commode lui-même. Et, du coup, il trouve dans la mère d'Ada une mère de remplacement. Donc, il s'entend beaucoup mieux avec sa belle-mère qu'avec son épouse. Et il faut savoir qu'à l'époque, vraiment, c'est l'homme qui décide et la caravane qui suit. Quand Lord Lovelace tout d'un coup décide qu'il est passionné par l'architecture, qu'il veut absolument se faire construire un château Tudor et donc décide de partir dans la lointaine Cambrousse, alors que sa femme préférait peut-être rester sur Londres pour essayer d'aller à la British Library, histoire de continuer les mathématiques, il n'est pas question que Ada Lovelace ne suive pas son mari. On suivait son mari, on lui obéissait en tout, et si jamais ça ne suivait pas votre pente scientifique, tant pis pour vous. Donc là, elle a interrompu effectivement cette travaux scientifiques pour cette raison-là. C'est également lui qui va lui interdire de signer ses papiers de son nom. Ça se faisait de toute façon pas, de la ramener quand on était une femme, et puis quand on était une femme de la gentry, voire de la nobility, c'était unladylike. Voilà, ça se faisait pas. Donc elle a trouvé, ils se sont mis d'accord pour signer ses notes AAL. Et elle y a tenu. Et Babbage a essayé très benoîtement de s'approprier son travail, parce que ça se faisait aussi à l'époque. Et c'est là que Ada Lovelace a eu une très bonne réaction. Elle a poussé des hurlements de rage. Et du coup, Babbage n'a pas osé aller au-delà. Et c'est là, moi, j'en ai retiré un enseignement fort. Si vous voulez pas, mesdames, qu'on s'approprie votre travail, surtout ne soyez ni polis, ni aimables, ni réservés. C'est très important d'avoir mauvais caractère. Qu'est-ce qui se passe exactement justement à ce moment, à partir de la publication de ces notes A à G entre Charles Babbage et Ada Lovelace? Comment évolue leur relation? Mal. En fait, leur relation, elle s'interrompt. Là, Ada perd vraiment un compagnon de travail qui était assez précieux. Tout simplement parce que il aurait fallu de l'argent pour construire la machine et que pour du coup, on puisse utiliser le programme d'Ada et que cette machine ne sera jamais construite. Elle était beaucoup trop grosse. Il y avait 25 000 pièces, puis après, il y en a eu, je sais plus, 50 000. Et en plus, Babbage, c'était un ingénieur fou. Donc, c'était des pièces mutantes, c'est-à-dire qu'il refaisait ses engrenages tous les 4 matins. Le pauvre ingénieur qui essayait péniblement de construire ses 25 000 pièces, en plus il fallait qu'il les fasse évoluer, donc tous les 4 matins, et évidemment il a fini par se brouiller cruellement avec Babbage comme avec tout le monde. Ce qui va se passer évidemment, comme dans tout ces cas de situation et dans toutes ces configurations, c'est que Babbage va essayer simplement de récupérer les travaux d'Ada Lovelace et de les publier en son nom. Isabelle Alors, Thierry. En effet, mais de toute façon, je suis pas sûre que ça aurait changé grand-chose. Non pas que c'est pas grave de se faire piquer ses travaux, hein, c'est pas l'idée. Mais de toute façon, à cette époque, et d'ailleurs jusqu'au début du XXe siècle, ce qui avait de la valeur, c'était la machine. Ce qui n'en avait pas, c'était le programme. C'était de l'immatériel. Je pense que si la machine de Babbage avait marché, Ada n'aurait pas été plus mise en visibilité de toute façon, parce que ce qu'elle faisait était considéré comme sans valeur. Le code, ça a longtemps été considéré comme sans valeur. Ça a changé, hein, dernièrement. Donc finalement, Babbage, ma foi, considérait, comme la société autour de lui, que la seule chose qui avait de la valeur dans tout ce travail, c'était la machine. Donc il pouvait emmener les gadgets qui étaient attachés avec, comme le programme qu'avait fait Ada. Bon, pour Ada, évidemment, c'était pas un gadget. C'est-à-dire, Ada était effectivement pas très intéressée par la vie conjugale. Je sais pas si beaucoup de monde était vraiment très intéressé par la vie conjugale à l'époque Victoria, si ce n'est que ça permettait de produire des enfants. Mais en tout cas, quand Ada a sorti son mémoire, elle a dit « c'est mon premier enfant ». Elle en avait déjà produit un certain nombre de manière biologique, mais visiblement, il lui semblait moins important que celui qu'elle avait produit de manière intellectuelle. Il faut rappeler que quand Ada Lovelace publie ses notes, elle est encore toute jeune, elle n'a même pas 30 ans, Catherine Dufour. Oui, tout à fait. Et dans ces fameuses notes, alors on trouve non seulement la notion de boucle, mais en plus elle a l'idée d'écrire effectivement comme ça un programme, un ensemble de boucles. Et puis ensuite elle dit, oh ben elle en écrit un autre, et puis elle en a écrit un autre, et donc elle va créer la première bibliothèque logicielle. Et puis après, emportée par le vent de son génie, elle va dire, mais cette machine peut manier aussi des concepts, peut manier des données, mais peut-être aussi elle peut créer des langages, et puis peut-être qu'elle va pouvoir créer de la musique. Donc elle a vraiment eu... Dans ses notes, elle a une vision de l'ordinateur, de l'informatique, qu'on commence juste à rattraper dans les faits. C'est assez étonnant. Elle va vouloir aussi, portée par justement ses succès, son génie et son ambition, finir par se dire « mais finalement, je peux mettre le fonctionnement du cerveau humain en équation ». Oui, tout à fait. Elle était persuadée que pourquoi est-ce que les mathématiques étaient capables de prévoir le cheminement des astres? Pourquoi, après tout, les mathématiques ne réussiraient pas à prévoir le cheminement du cerveau? Et elle a essayé de mettre en équation l'art de la découverte, le génie. Et alors, avec quel résultat? Non, ça aussi, c'est un epic fail. Ça marche pas très très bien. Ça ne les gênait pas à l'époque, ils étaient tous en train de chercher comme des fous dans toutes sortes de directions. Il y avait une vraie émulation et c'est pas très important que tout n'aboutisse pas. Isabelle Collet? En même temps, quand John von Neumann a créé l'architecture de l'ordinateur moderne, c'est aussi ce qu'il voulait faire. Il voulait dupliquer Absolument. Le cerveau humain et il pensait que l'aboutissement ultime de la science, c'était la duplication du cerveau humain. Alors il a pas réussi non plus, hein. Il avait plus de moyens que Ada, mais ce qu'il a fait, c'était une grosse machine statistique ou de calcul balistique. Il a pas du tout dupliqué le cerveau humain. Donc finalement, c'est une quête d'inventeur de machines à calculer. En fait, il voulait inventer la machine à penser. Ça reste quand même très très compliqué à faire. Catherine Dufour. Oui, et puis à l'époque, il tâtonnait vraiment. Je crois qu'il y a un homme qui, au début du 19e, je ne me souviens plus de son nom, qui a voulu trouver un médicament contre le paludisme et qui s'est retrouvé à inventer la teinture mauve pour les tissus. Voilà, c'est un effet secondaire de ses recherches. Mais bon. Ada Lovelace, si on reprend notre fil, donc se brouille avec Charles Babbage. On est encore au début des années 1840. Quelle est la suite de ses travaux? Que fait-elle sans Babbage? Est-ce qu'elle continue à écrire? Est-ce qu'elle On dit, et c'est souvent une façon par ailleurs aussi de dénigrer un peu la suite de sa carrière, que d'un seul coup elle va se mettre à verser dans l'occultisme, les sciences étranges, l'hypnose. Qu'en est-il, Catherine Dufour? Non, alors pas tellement. Elle va continuer à travailler, mais elle ne retrouvera plus un compagnon avec l'émulation telle qu'elle a connue avec Babbage. C'est une femme, elle n'a pas le droit d'aller à la British Library, elle est très seule, alors qu'on a, en matière de découverte, on avance toujours juché sur les épaules de ses prédécesseurs. Ça, c'est un vrai souci. Elle va travailler un peu avec son amant, John Cross, jusqu'à ce qu'il lui préfère un autre homme. Et puis, elle va se retrouver à la campagne. Et puis surtout, elle va se retrouver sans un rond parce que son mari a décidé d'investir tout l'argent dont il dispose, qui est considérable, dans son fameux château de Tudor. Donc comme elle est extrêmement vexée d'être pauvre alors que sa mère est très riche et que son mari est très riche, là elle va jouer aux courses. Alors elle va essayer d'obtenir par des formules mathématiques quelques succès aux courses. Bon, ça... De trouver des martingales mathématiques. Voilà, et c'est bon, là, ça ne vous étonnera pas, ça aussi c'est un insuccès total. En général, quand on essaye de mettre les courses en équation, on se ruine. Et elle se ruine, mais avec un certain enthousiasme, parce qu'à sa mort, sa mère va régler ses dettes de jeu, c'est quand même 8000 livres, donc en fait, au bout du compte, elle a réussi à arracher à sa famille tout l'argent qu'ils n'ont jamais voulu lui donner de son vivant. Isabelle Collet. Effectivement, c'est une façon de voir les choses. Il faut dire que Ada, elle avait un enjeu terrible. C'est-à-dire que son enjeu terrible, c'était d'une part de prouver qu'elle était capable de dépasser la nature mauvaise qu'elle était supposée avoir avec son intelligence à cause de son père, et d'autre part, racheter l'âme de son père, parce qu'on lui avait quand même continuellement répété que son père était un monstre et un génie du vice. Il fallait qu'elle réussisse, il fallait qu'elle soit célèbre d'une façon ou d'une autre. Alors, la machine de Babbage, ça n'a pas marché. Elle a essayé de se mettre à la musique, pour devenir célèbre éventuellement par ses créations musicales. Effectivement, on lui avait coupé les vivres. Moi, je me la représente comme quelqu'un qui court désespérément à la recherche du salut de son âme à elle, et de l'âme de son père Byron, en essayant de réconcilier les deux. Ah, moi, j'en ai une vision moins mystique. Elle croyait à Dieu de temps en temps. Tout ce qui était occultisme, spiritisme, tout le monde était passionné par ces trucs-là. Mmh. On faisait tourner les guéridons, puis il y avait le mesmérisme, cette espèce de passe magnétique. Et finalement, elle s'est pas intéressée à ça plus que les autres, et elle en est revenue très très vite d'ailleurs. Elle a très vite qualifié le mesmérisme de charlatanisme, d'autant plus que sa mère adorait ça. Et franchement, sa mère, Ada, avait beaucoup de mal à la supporter. Mmh. Est-ce qu'elle continue tout de même à publier pendant ces années-là, ou est-ce qu'après la rupture avec Babbage, c'est la fin de ses grandes contributions scientifiques? Est-ce qu'on peut dire que la note G, c'est l'acmé de sa production scientifique? Oui, c'est l'acmé complètement. Elle va publier encore des notes dans des articles rédigés par son mari, qui s'est immédiatement, voyant que sa femme avait publié des notes sur un article scientifique, s'est mis aux articles scientifiques. Et elle a effectivement annoté, elle a fait le côté technique des notes scientifiques de son mari. Elle s'est pas mal débrouillée d'ailleurs. Elle a eu l'idée d'une collaboration en réseau avant l'heure, elle a eu l'idée d'utiliser la photographie qui venait juste d'être inventée, de l'utiliser systématiquement pour les observations avant tout le monde. Elle était assez novatrice. Mais peu de temps après, d'abord, elle a dû gérer ses trois enfants qui arrivaient à l'adolescence et qui n'étaient pas bien faciles. Et puis, elle a dû gérer son arrivée à la campagne. Et puis, elle a dû gérer ses têtes de jeu, l'abandon de son amant et après un cancer assez fulgurant, à un âge assez tendre puisqu'elle est morte à 36 ans. Isabelle Collet. Alors, là où je suis complètement d'accord avec vous, c'est que ce serait complètement une erreur de dire que Ada était mystique toute seule dans un univers de personnes rationnelles. C'est-à-dire, c'était tout à fait dans l'esprit du temps de croire à tout un tas de choses. Effectivement, elle s'y est pas plus intéressée que ça. Moi, je pense qu'elle avait un enjeu, donc, de racheter son âme et celle de son père, mais plus en termes de postérité, de notoriété, et éventuellement, mais voilà, ce mysticisme baignait dans l'époque, et j'avais été frappée de voir que dans certains articles, on accusait Ada Lovelace d'être un peu partie, un peu dingue avec ses histoires mystiques, dans ses réponses à Babbage, accusation qu'on ne faisait absolument pas à Babbage, qui lui répondait totalement sur le même ton. C'est-à-dire, on trouvait ça pittoresque chez une femme scientifique, qu'on voyait plus mystique que scientifique, et on n'appliquait pas du tout cette même critique sur le reste de son époque, dont elle n'était là-dessus qu'une image. Oui, c'est certain qu'elle a un phrasé victorien qui date, mais comme vous le dites, tout le monde avait le même. Voilà. Et puis tout le monde était, souvenons-nous, drogué jusqu'aux yeux, ce qui devait certainement... Ça n'aidait pas. ...avoir une influence sur les styles dans la correspondance et la narration. Vous le disiez, Catherine Dufour, mon diagnostic à Ada Lovelace, c'est un cancer du col de l'utérus en février 1851. Oui, elle commence à avoir des hémorragies et puis ça lui fait pas mal au début et puis après ça lui fait mal et de plus en plus mal et elle a un médecin, bon qui est nul, mais le médecin était de toute façon mauvais et de toute façon vu l'état de la chirurgie à l'époque on n'aurait rien pu faire pour elle. Alors les premières douleurs apparaissent, donc à l'époque on était très, si ça fait mal c'est que ça fait du bien, donc son médecin lui disait mais non si vous avez mal c'est parce que c'est en train de guérir, alors elle se bourrait d'opium en disant ah bon sang quelle guérison. Et après, elle en est rapidement arrivée carrément au chloroforme pour pouvoir dormir. Et puis, elle a commencé à yoyoter parce qu'elle avait des métastases au cerveau. Et elle a encore traîné 3-4 mois. Enfin, c'était juste abominable. D'autant plus qu'à l'époque, les soins palliatifs, ça n'existait pas. Et il fallait faire une bonne mort. C'est-à-dire qu'on soutenait le cœur et le corps afin que vous agonisiez le plus longtemps possible. Comme ça, c'était autant de moins que vous passiez au purgatoire. Enfin, de toute façon, les récits d'agonie de cette époque sont épouvantables, justement, dans cette espèce d'acharnement thérapeutique, a obligé les gens à vivre plus que nécessaire. La postérité d'Ada Lovelace, on l'a dit un peu au tout début de cette émission, mais elle vient donc à posteriori, ou est-ce que ses contributions, cette note G, elle fait partie, elle intègre, elle est redécouverte suffisamment tôt pour intégrer le parcours, le développement de l'informatique au début du XXe siècle, notamment via von Neumann, Turing, etc. Isabelle Collet. Alors, elle a jamais totalement disparu. Néanmoins, moi je travaille sur les femmes et les sciences depuis une quinzaine d'années. Pendant très longtemps, j'ai eu un malin plaisir à aller devant des amphithéâtres d'étudiants, d'étudiantes, de chercheurs en informatique, des centres de calcul, et de dire la première personne à avoir écrit un programme informatique, c'est une femme. Et les gens tombaient des nues. C'est-à-dire, si dans des cercles restreints, on l'a pas très restreint, on l'a pas oublié, elle n'était... Moi, quand on m'a appris l'informatique à l'école, l'informatique commençait à être Blaise Pascal, et il n'y avait pas une femme dans l'histoire de l'informatique telle qu'on me l'a appris. Je pense qu'aujourd'hui, elle commence à avoir un peu de notoriété au-delà de ce cercle très restreint, et j'espère que les étudiants et étudiantes en informatique en entendent parler, mais tout le XXe siècle, dans le grand public, même le grand public spécialisé en informatique, personne ne savait qui elle était. Catherine Dufour. Oui, si vous donnez la note G à n'importe quel codeur ou codeuse qui fait du C++, en général, il va trouver ça assez cohérent. Ouais. Mmh. Ouais. C'est-à-dire ? Y a une syntaxe qui est toujours d'actualité. C'est assez amusant d'ailleurs de voir que cette façon de coder inventée par Ada Lovelace irrigue encore nos serveurs. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, Ada Lovelace finalement est devenue précisément une figure de ce qu'on appelle communément l'effet Matilda, c'est-à-dire la façon dont plusieurs chercheuses ont vu leur nom complètement effacé, spolié volontairement ou involontairement, en général plutôt volontairement. On avait fait une émission à ce sujet, on va vous remettre le lien sur le fil Twitter de l'émission. Est-ce que finalement Ada Lovelace est devenue plus qu'une pionnière, avant tout une figure symbolique, Isabelle Collet? Alors oui, et en même temps ça pose problème, parce que alors effectivement elle fait partie de ces femmes scientifiques que l'on redécouvre, et c'est très bien. Quand on monte comme ça en épingle une femme d'exception telle qu'est Ada Lovelace, on a tendance à vouloir dire qu'elle est l'exception qui confirme la règle étant qu'il n'y a pas de femme du tout. Or, dans la suite de l'histoire d'informatique, il y en a. Il y en a même éventuellement beaucoup. À revenir toujours sur Ada Lovelace, on peut avoir le sentiment que, ok, il peut y avoir des femmes en informatique, mais une par siècle. Et c'est pas tout à fait l'idée. Merci beaucoup. On vous renvoie à l'émission que nous avions consacrée justement à ces femmes dans la science et à comment elles ont été spoliées pendant de longues et de bien trop longues années. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci Isabelle Collet. Je rappelle que votre livre Les Oubliés du numérique sort aujourd'hui aux éditions du Passeur. Merci beaucoup Catherine Dufour, Ada Lovelace ou La beauté des nombres, c'est chez Fayard. Merci à toute l'équipe de La méthode scientifique, Eve Etienne, Natacha Triou, Céline Lezen, Alexandra Delbonne, Mina Guette-Saint-Vulfranc, Antoine Beauchamp, Olivier Bétard à la réalisation et Audrey Guélil, la technique. Demain, eh bien demain c'est un vendredi, comme tous les 15 jours consacrés à l'actualité des sciences et de la recherche. Il sera question notamment de la réplicabilité de la recherche en psychologie, pas évident, des collectionneurs de météorites, et nous parlerons également des liaisons dangereuses entre les neurones et les cellules tumorales. Ce sera demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.